Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Histoire du désir féminin entre imaginaire et entrave. Au milieu du 19e siècle, Honoré de Balzac écrit une autre étude de femme. C'est une des scènes de la vie privée. Il nous raconte que la femme française s'appelle femme, comme il faut, ou grande dame, mais elle sera toujours la femme par excellente. Cette femme qui minaude, qui parade, qui gazouille les idées de messieurs tels et tels. Elle serait héroïque, dit-il. Oui, la femme minaude. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ah non, non, je ne veux pas. Oui, comment s'est imposée l'idée que quand une femme dit non, en fait, elle dit oui. Lucie Nizard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le désir tel qu'il est conçu, réfléchi, pensé au 19e siècle ? Alors le désir, c'est à la fois une idée qui intéresse énormément les médecins au 19e siècle, en particulier le désir féminin qui pose problème, puisque autant le désir masculin paraît un instinct naturel normal, autant le désir féminin est à la fois l'essence même de la femme. La femme, elle incarne le désir, c'est la fille d'Ève. C'est le titre d'un roman de Balzac, une fille d'Ève. C'est la vénalité incarnée. Et puis en même temps, c'est le contraire de la femme. Michelet écrit par exemple « L'homme désire et la femme aime ». La femme, c'est la pureté, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est Marie. Le culte marial se développe au 19e siècle. Donc le désir féminin, c'est à la fois une anomalie et l'essence de la femme. C'est à la fois la nature même de la femme est une maladie. Et en tout cas, c'est toujours un problème, toujours une obsession et toujours un ferment extrêmement fécond pour les intrigues romanesques avec les romans de l'adultère. Alors ça, les romans, le roman, mais le phénomène du 19e siècle, Lucie Nizard, nous pouvons le dire tout de suite, cette interrogation, cette réflexion autour du désir féminin est présent partout, il suinte dans la littérature du 19e siècle. Oui, c'est une obsession pour les romanciers de l'époque. C'est vraiment à la fois une obsession, puisque les romanciers essayent de l'analyser d'un point de vue qu'ils prétendent scientifique, et en même temps, évidemment, c'est très très attirant pour le lectorat, et c'est cette dimension érotique qu'il cache, qu'il n'avoue pas, qui est au cœur des romans. Et d'ailleurs, Zola dit qu'il a peur, lorsque le divorce est autorisé, que on ne puisse plus écrire de romans puisqu'il n'y aurait plus assez d'adultère et donc plus de sujets romanesques. Ah là là, l'adultère, mais que ça nous fait de belles histoires toujours dans cette littérature. Mais dès qu'il est question du désir féminin, il n'y a pas que le roman, vous l'avez déjà évoqué, hein, il y a tout un champ mais gigantesque, notamment dans la médecine. Bonjour Sylvie Chaperon. Bonjour. Au moment où nous évoquons ce désir féminin, il est partout, dans le roman bien sûr, mais pas que dans le roman. C'est ça qui est fascinant avec le 19e siècle, c'est la réflexion qui est portée, mais qui est portée par des hommes, bien souvent. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout le discours médical sur la sexualité est fait par des hommes, et ce, au 19e siècle, comme dans la grande majorité du 20e siècle. Il n'y a que dans la deuxième moitié du 20e siècle que des femmes commencent à s'exprimer sur ce sujet-là. Et c'est justement femme psychanalyste. Voilà, au moment où vous vous exprimez en tant que historienne, Sylvie Chaperon. Hop, nous vous avions perdu une petite seconde. Lucie Nizard, vous avez rédigé une thèse. Hein. Alors, c'est une thèse en littérature civilisation française sur la poétique du désir féminin dans le roman de mœurs français du second 19e siècle. Et je vois les bornes chronologiques, parce que quand on est sérieux, on met des bornes chronologiques. 1857-1914. 1914, on le voit bien. 1857. Ah, très bonne question. 1857, c'est vraiment une année très importante pour la description du désir féminin et sa réception, sa perception par les lecteurs, puisque c'est l'année du procès de Madame Bovary, de Flaubert et aussi des Fleurs du Mal. Donc moi, je me suis intéressée au roman, donc surtout à Madame Bovary. Et donc, c'est une année où à la fois paraît un roman qui décrit de manière extrêmement audacieuse le désir féminin, et en même temps il y a ce procès qui condamne cette description. Donc ça dit à la fois la possibilité de cette description et son scandale avec Flaubert qui est acquitté malgré tout. Oui, Flaubert est acquitté et Emma est dans le cours de l'histoire. Elle se leva pour partir. Alors, souriant d'un sourire étrange, la prunelle fixe et les dents serrées, il s'avança vers elle. Qu'avez-vous, Emma ? Vous vous méprenez sur mes sentiments. Vous êtes dans mon âme comme une madone sur son piédestal. Mais j'ai besoin de vous pour vivre. De vos cheveux, de vos yeux, de votre voix. Soyez mon amie, ma sœur, mon ange. J'ai tort, je suis folle de vous écouter. Mais pourquoi ? Emma. Oh, Rodolphe. Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et, défaillante, tout en pleurs, elle s'abandonna. Ah, Madame Bovary de Flaubert, dans une adaptation de 1953 par Claude Barma et Jacques Chabannes. Pourquoi, dites-nous, Lucie Nizard, Madame Bovary est un moment intéressant pour saisir, alors, comment s'exprime et comment est reçu le désir féminin ? C'est un moment intéressant puisqu'à la fois on a cette peinture d'une femme désirante et en même temps donc qui est très audacieuse comme je vous le disais tout à l'heure, et en même temps on a encore la présence d'un désir féminin entravé, d'un désir féminin problématique. Là le texte dit défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement, se cachant la figure, elle s'abandonna. Donc un désir féminin qui est encore le signe d'une défaite, d'une honte, avec ce verbe s'abandonner qui dit toute l'ambiguïté de cette défaite féminine, de cette absence de ce moment où la résistance se rompt. S'abandonner avec la forme pronominale, est-ce que c'est passif, est-ce que c'est actif, quelle est la part d'initiative d'Emma dans cette scène qu'on vient d'entendre? Elle est très représentative de cette perception, de cet imaginaire du désir féminin qui se met en place. Sylvie Chaperon, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse, hein, Toulouse Jean Jaurès. Vous avez dirigé avec Christine Barr le dictionnaire des féministes sur un temps long, du 18e siècle à aujourd'hui, 21e siècle. La femme, telle qu'elle est vue par l'homme, ne peut pas dire qu'elle souhaite, qu'elle exprime son désir. C'est une constante, mais un long processus a mis peu à peu en place cette idée-là. Oui, parce que en fait, si on regarde au Moyen-Âge ou dans la période moderne, ce qui domine tout de même, c'est la femme tentatrice. C'est la porte du diable. C'est celle qui risque de faire déchoir l'homme par ses tentations. Et effectivement, au XIXe siècle, se met en place une image beaucoup plus passive de la femme qui doit résister au plaisir. Ça, c'est un leitmotiv, une idée qu'on retrouve chez tous les médecins, c'est que la femme bien résiste effectivement à la tentation. Elle est extrêmement pudique, elle doit être conquise, et il y a tout un travail de séduction qui peut être très long, hein, que les hommes doivent entreprendre, et la femme doit mettre tout le prix à son abandon. Donc elle doit faire payer cher, en quelque sorte, son abandon. Donc la femme qui résiste est une invention, en quelque sorte, du 19e siècle, et qui est contemporaine d'une naturalisation de la femme, et également d'une vision de la femme à travers le prisme de la maternité. C'est une mère avant tout. Et donc c'est une mère qui a des émotions, qui a des sentiments, qui est plus intéressée par les enfants que par l'homme. Hein. L'homme n'est finalement que le moyen d'avoir des enfants. Donc on désexualise en quelque sorte la femme, sauf une catégorie qui plane et qui est toujours une menace pour les femmes bien, c'est les femmes de mauvaise vie. Hein. Ces femmes de mauvaise vie, bah, nous les connaissons, hein. Ce sont les grisettes, ce sont les courtisanes, ce sont toutes ces jeunes filles que l'on voit passer dans la rue. Ça va commencer avec la Lorette à Paris. Nous sommes là dans les années 1830-1850. La Lorette, la définition c'est Balzac qui la donne, il dit « La Lorette est un euphémisme aimable que l'on vient d'inventer pour désigner l'état d'une fille ou la fille d'un état difficile à nommer. » Ce qui vous met dans l'ambiance. Ça, c'est la monarchie de Juillet. Le Second Empire arrive et la Lorette devient la courtisane. Pourquoi Lorette, d'ailleurs? Parce qu'elles étaient quasiment toutes venues s'installer dans le quartier de Notre-Dame de Lorette, l'actuel 9e arrondissement, d'où le surnom. La courtisane, qu'est-ce que c'est? C'est un billet en circulation qui a d'autant plus de valeur qu'il y a plus de signatures sur le billet. Et je songe toujours à ce billet qu'au terreau, mais elles ont dû tout en recevoir, va un jour pouvoir lire chez elles avec trois mots, où, quand, combien. Ce à quoi elle répond, chez moi, tout de suite, pour rien. Car le billet signé de Guillaume II, empereur d'Allemagne. La signature de l'empereur d'Allemagne est un tel triomphe qu'elle peut parfaitement le recevoir gracieusement, sachant qu'après ça, il y a 50 messieurs qui vont venir avec leurs millions. Ah bah oui, ça c'est une présentation abrupte, mais juste par Pierre-André, historien d'art, de ce monde particulier, celui des lorettes, celui des courtisanes au XIXe siècle. Lucie Nizard, peut-on dire que dans un imaginaire construit par les hommes, eh bien les femmes se distinguent en deux catégories? Il y a celles qui expriment leurs désirs, alors là nous avons les courtisanes, et puis celles qui refusent leur désir, qui ne le montrent pas, et là nous avons des dames bien. Alors oui, tout à fait. Il y a vraiment cette bipartition entre la maman et la putain qui est très importante. Mais il faut bien comprendre que la putain, elle n'exprime pas son désir. Elle est là pour le désir masculin. Elle vit et elle existe pour réaliser le désir masculin, mais le sien, il n'existe pas. D'ailleurs, Zola, à propos de sa nana, hein, qui est une prostituée, il dit « c'est une chienne qui n'est pas en rut et qui est poursuivie par la meute ». Et dès lors se développe tout un champ lexical autour de la conquête, de la bataille. Ah bah, très masculin tout cela. Une conquête qui se construit, c'est-à-dire que alors, il y a deux acteurs, un homme, une femme, mais en opposition, un doit attaquer l'autre et obtenir ce qu'il veut. Exactement, exactement. Il y a ce champ lexical de la guerre et aussi la métaphore de la chasse avec l'homme prédateur, la femme proie qui sont très très très présentes dans les textes et ça devient presque des catachrèses, c'est-à-dire des métaphores qui sont figées, qu'on n'entend même plus tellement on a l'habitude de les utiliser. L'homme attaque, la femme résiste, et ils se combattent et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps dès qu'il y a une scène sexuelle dans un texte. Pourquoi ces métaphores militaires? Eh bien, on pense que ça correspond à un combat qui a lieu dans la nature, que ça représente des rôles sexuels extrêmement genrés. Et on pense aussi que ça favorise l'excitation, à la fois masculine, puisque le désir se nourrit de manque et meurt de satisfaction, et donc il faudrait résister, et l'excitation féminine, pense-t-on, qui serait attisée par la brutalité des mâles, dans une perspective infusée par les idées darwinistes, qui pensent que c'est le mâle le plus fort et donc le plus brutal que la femelle devrait préférer. C'est un discours porté par des hommes. Comment réagissent les femmes? C'est-à-dire, elles l'intègrent, ce discours, pour respecter ou en tout cas répondre aux attentes masculines? Alors, comment réagissent les femmes? Pour ça, il faut regarder dans les journaux intimes, dans les écrits privés. En tout cas, dans les romans, comment réagissent les personnages féminins? Eh bien, dans les romans écrits par des hommes, effectivement, ce discours est intégré. D'ailleurs, elles sont souvent observées par un point de vue masculin. Dans les romans écrits par des femmes, ça se passe souvent différemment chez les autrices. Il y a davantage d'attention au consentement et il y a davantage d'attention aussi aux violences sexuelles. Et le mot viol va apparaître plus facilement sous la plume des autrices, surtout à la fin du siècle. On le trouve régulièrement dans ces scènes qui sont décrites chez les romanciers masculins comme des scènes de désir, comme des scènes érotiques. Parce que dans cette histoire-là, puisque c'est de l'histoire, c'est une réflexion sur le temps. Il y a le temps long de l'évolution, de la perception du désir féminin. Et puis il y a le temps de la relation, de la conquête. Nous avons bien saisi que la femme doit dire non, parce que sinon c'est mal vu. Mais il y a ce moment très particulier, et souvent un temps très court, celui de l'acte sexuel. Le non, ici, pose problème. Vous avez, Lucie Nizard, parlé de viol. C'est là où toute la question se joue. Ce non, que signifie-t-il? Oui, alors c'est là effectivement, comme vous le dites, que toute la question se joue. Ce nom, il n'est pas pris au sérieux la plupart du temps dans les romans de l'époque, puisque ce que la femme va dire va entrer en contradiction avec des signes qui vont être interprétés par un observateur. Et on trouve des phrases, par exemple chez Zola, comme « c'était l'aveu de la femme qui dit non » ou bien « elle disait non, mais ses yeux disaient oui ». Donc on ne va pas prendre en considération la parole de refus, on ne va pas prendre en considération parfois aussi les pleurs, les cris, hein. On l'a vu dans Madame Bovary, elle pleure, elle se cache la tête, etc. Et puis, le personnage féminin va souvent être envahi par un trouble. Hein. Zola dit une paralysie de la volonté, une espèce d'évanouissement, de perte de conscience au moment de l'acte sexuel, alors qu'il va ménager la bienséance, hein, puisqu'une femme ne peut pas prendre une part active à l'acte sexuel, et puis qui va... ménager aussi la bienséance de l'écriture, puisque décrire le plaisir féminin, c'est extrêmement subversif. C'est extrêmement subversif, et puis pour un homme, c'est très difficile aussi d'écrire le plaisir féminin. Dès lors, toute la réflexion se porte sur ce moment, sur ce oui, sur ce non. Et ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que eh bien, cette réflexion fait écho à notre monde d'aujourd'hui. Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc. Hein. Moi ce que j'ai compris, en fait... Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort... On ne sait pas, du coup, si on peut, si on ne peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter... Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh. D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super. Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien. Oui, des petites remarques, toujours. Quoi ? Quoi ? Il y a un problème ? Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter. Ah, tu vois, écoutez, moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes. Il me semblait. On voit tous que t'as aucune sensibilité. Excuse-moi. Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez... Oh, tais-toi. Ta gueule. Pourquoi ? Elle intervient au milieu du. T'es toute hystérique là. C'est fou de faire ça. Désagréable. On parlait du désir. Allez, c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein, coupeuse. Laisse-moi te chanter, aller te faire en... Angèle, Balance ton quoi, c'était le clip de cette chanson, Balance ton quoi, avec l'acteur Pierre Ninet qui joue, mais sur cette réflexion, elle disait non, mais elle voulait dire oui. Lucie Nizard, ce qui est vraiment formidable dans ces travaux que vous menez sur la poétique du désir dans le roman de mœurs français, c'est cette idée que la femme dit non, mais elle veut dire oui. En fait, nous sommes complètement héritiers de cette histoire. Oui, exactement. On peut vraiment faire une généalogie de notre culture du viol dans les romans du 19e siècle qui sont presque la caricature de ce qu'on continue à dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans certaines chansons de rap, dans certaines expressions, je vais la poutrer, la défoncer, la tirer, qu'on entend encore aujourd'hui, on retrouve la métaphore militaire dont on parlait tout à l'heure, la métaphore de la chasse, ou bien le problème de la jeune fille endormie. Est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle avec une femme qui dort, que pose Pierre Ninet dans le clip? On le trouve déjà dans les textes du 19e siècle, dans La Marquise d'Eau par exemple, dans un roman qui s'appelle Le Viol de Bergerat. Toutes ces questions, elles sont déjà posées au 19e siècle et elles sont comme un miroir grossissant pour nous qui permet de mieux comprendre la culture du viol actuelle, contemporaine. Dans la démarche que vous menez, Lucie Nizard, autour du roman au 19e siècle, nous imaginons l'ampleur des sources. C'est gigantesque, tout ce qui a pu paraître est beaucoup oublié, parfois tant mieux, parfois dommage. Comment vous avez procédé? Comment vous faites votre sélection de romans? Alors, j'en avais quand même 274 dans ma thèse, donc ça reste un grand nombre. Je me suis intéressée au roman de mœurs, pour restreindre déjà un peu. Le roman de mœurs, c'est le roman qui cherche à décrire les mœurs de ses contemporains, les comportements, et puis aussi, les mœurs, c'est aussi la morale, hein, qui va porter un jugement sur ces mœurs, et ça inclut le roman naturaliste, ça inclut tout le roman qui veut se faire, comme disait Balzac, historien du temps présent. Donc pour nous, c'est très intéressant ces romans parce que ils dialoguent très bien avec l'histoire des imaginaires, avec l'histoire des mentalités. Et comment est-ce qu'on trouve tous ces romans de mœurs ? Eh bien, en lisant d'abord les grands classiques, et puis ensuite, c'est la sérendipité, hein, en se promenant au hasard du site de la BNF Gallica, où il y en a beaucoup qui sont accessibles en ligne, y compris des très rares, et on en lit beaucoup plus, et puis on retient ceux qui parlent vraiment de notre sujet. Et au fur et à mesure, on se rend compte que tout ça fait système et qu'il y a tout un imaginaire commun, très cohérent et très construit, partagé entre ces 274 romans. C'est très bien de citer Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, parce que accès gratuit, en ligne et d'une Exactement. Qualité exceptionnelle, avec la possibilité de recherche à l'intérieur du texte par des mots, on peut évoluer justement dans ce vocabulaire. Nous l'entendons qu'il y a du nom qui est présent, mais le mot viol n'est jamais loin. L'homme ne va pas parler de viol, et pourtant il s'agit d'un viol. Est-ce que le mot viol est très présent? Alors oui, le mot viol est présent, le mot viol apparaît, même s'il n'apparaît pas toujours. Et il apparaît, donc comme je vous le disais tout à l'heure, davantage chez les autrices, mais il apparaît aussi chez les auteurs masculins, avec l'idée qu'une relation sexuelle peut commencer comme un viol, et ensuite être justifiée par une espèce de consentement a posteriori par le plaisir. Et dans les textes pornographiques, par exemple, il y a beaucoup le motif des cris de peur, de terreur, d'angoisse de la femme qui se transforme en cri de jouissance. Eh oui, c'est dès lors le cri qui permet de faire une distinction. Et puis, nous allons revenir sur cette question du viol, parce que la réflexion de savoir « mais qu'est-ce qu'un viol ?» Elle disait non, mais elle voulait dire oui. Il faut des éléments supplémentaires pour que la justice considère que c'est un viol. Quels sont-ils ? Oui, alors il y a un décret de la Cour de cassation en 1857 qui définit comme viol les rapports sexuels imposés non seulement par une violence physique, mais aussi par la contrainte et par la surprise. Donc c'est une définition qui peut nous paraître déjà assez moderne. Mais le temps qu'elle entre dans les mentalités est beaucoup plus long et on a beaucoup beaucoup de mal à croire au viol d'une femme adulte qui sait ce que c'est que la sexualité. Pour qu'on prenne au sérieux un viol, en particulier dans les romans, il faut que ça ait lieu soit sur une personne vierge, un enfant, une très jeune fille, une jeune femme le soir de ses noces aussi. Ça, c'est pris en compte dans les romans. Balzac parle de viol légal pour la nuit de noces. Soit qu'il y ait une violence extrêmement spectaculaire, éventuellement un meurtre. Mais le viol de la femme adulte, on a du mal à y croire, on le prend peu au sérieux, on le dédramatise, on le traite souvent sur un mode comique, même si petit à petit, au cours du siècle, la violence psychologique est de plus en plus prise en compte et le viol est davantage traité sur le mode pathétique. Oui, parce qu'il est possible de parler de viol de manière comique au XIXe siècle, c'est presque un genre. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est le cas déjà dans les textes médicaux. Hein. Je pense au docteur Debay en 1862 qui parle d'une jeune femme qui s'est fait violer par 28 hussards. Et il dit elle en fut quitte pour une irritation vaginale et quelques écorchures. Hein. Donc avec une ironie, ça vient après un développement sur Messaline, la courtisane avide. Et puis, il y a des plaisanteries en permanence dans les textes sur le fait que effectivement, les femmes aiment bien, les femmes se plaisent à être abusées. Tout ça serait une petite comédie qu'il ne faudrait pas prendre au sérieux. Oui, ça revient beaucoup dans la chanson, par exemple. Eh oui, alors la chanson, ça c'est quelque chose qui est passionnant sur la chanson, parce que nous avons, et même dans des chansons patrimoniales, des échos à cette histoire que nous évoquons aujourd'hui dans le cours de l'histoire. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le frou-frou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce frou-frou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise et devient fou. Frou-frou, frou-frou, par son jupon la femme, frou-frou, frou-frou, de l'homme. l'homme trouble l'homme. Frou frou frou frou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil frou frou. Berthe Silva, Froufrou, sublime. Alors, Froufrou, c'est une chanson de la fin du 19e siècle, hein, de 1897. Et dans cette chanson, la femme est excitante grâce à son jupon. Froufrou, l'homme est excité, il est électrisé, il devient fou. C'est une lecture que l'on retrouve sans cesse. La femme, d'un côté, ne montre pas son désir, elle excite l'homme qui devient fou. Elle ne montre pas son désir, donc elle est obligée de dire non. Et l'homme, puisqu'il est fou, bah, va jusqu'au bout. Oui, oui, oui, tout à fait. Y a une représentation extrêmement genrée des rôles sexuels. Et cette excuse de la folie, c'est quand même un bon prétexte pour justifier aussi des agressions sexuelles. En tout cas, le regard masculin sur un corps féminin inaccessible, ce froufrou de jupon, c'est un vrai topos, c'est un thème qui revient beaucoup. On le voit dans « À une passante », par exemple, hein, de Baudelaire, où elle remue prestement le feston et l'ourlet. Elle remue le feston et l'ourlet et l'homme devient fou, c'est la folie et c'est la passion. C'est aussi un mot, le crime passionnel. Mais c'est extrêmement récent d'ailleurs que l'idée même de crime passionnel ne signifie absolument rien. Il s'agit juste d'un meurtre et rien d'autre. Oui, oui, alors c'est vrai. Passion, ça vient du latin patior, je souffre. Et il y a toute une romantisation de la souffrance qui liée à l'amour qui peut aller jusqu'à effectivement jusqu'au féminicide qui est sans cesse présenté comme un motif de sublime tragique. On peut penser à Carmen, on peut penser à énormément de romans de l'époque. Tuer une femme, c'est parfois présenté comme le summum de la passion. Et évidemment, c'est une idée qu'il faut déconstruire le plus vite possible. À déconstruire comment exprimer son désir. Lorsqu'on est une femme au 19e siècle, il faut dire non, il ne faut rien montrer dans tout ce que nous évoquons. Bien souvent, le discours est porté par des hommes, mais parfois, quand il est question du désir féminin, les femmes prennent la parole. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette. Je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Sublime Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Aujourd'hui, l'histoire du désir féminin entre imaginaire et entrave. Sylvie Chaperon, nous avons beaucoup évoqué la littérature pour ce discours féminin. Le discours des médecins est terrible, mais je porte un jugement, c'est jamais bien de porter un jugement sur les choses du passé. Vous avez écrit Les origines de la sexologie 1850-1900. Que se passe-t-il au milieu du 19e siècle autour du sexe? Ça devient un objet de savoir, un objet de savoir scientifique. Il y a de plus en plus d'écrits hein, pour expliquer ce qu'est la sexualité normale, ce qu'est la sexualité déviante, ce qu'est la bonne sexualité, ce qu'est la mauvaise sexualité. Et c'est lié bien évidemment à des enjeux démographiques, puisque la sexualité reste complètement liée à des enjeux reproductifs. Donc la bonne sexualité, évidemment... La bonne sexualité, c'est la bonne sexualité hétérosexuelle pendant le mariage, dans le noir, les yeux fermés. Lucie Nizard, dans les romans, justement, cette bonne sexualité évoquée par les médecins se retrouve. Il y a quelque chose toujours d'un peu moral dans ces romans, enfin toujours non, parfois. Et on la retrouve, cette belle sexualité, comme vraiment le but à atteindre. Alors oui, on la retrouve surtout à la fin du siècle où il y a l'érotisation croissante du couple conjugal, avec aussi l'augmentation des mariages d'amour, hein, donc la possibilité d'une sexualité plus apaisée probablement. Mais en même temps, elle n'est pas intéressante. Hein. Personne n'a envie de lire des pages sur un couple qui va bien. Donc ce qui est intéressant et ce qui va passionner les romans, c'est au contraire la sexualité adultère, la sexualité interdite, la sexualité transgressive, et pour justifier sa représentation, on va la châtier. Et donc les femmes adultères, après avoir été amplement décrites pendant des pages et des pages, vont subir souvent des morts terribles. On pense au suicide de Madame Bovary, hein, par exemple. Dans votre recherche, avez-vous croisé un moment où la question se pose du consentement féminin, où elle ne dit pas clairement qu'elle veut, donc il ne faut pas qu'il y ait un acte sexuel? Est-ce que cela est exprimé, parfois même peut-être en marge? Oui, c'est tout à fait exprimé. Vous voulez dire au sein du couple conjugal? Au sein du couple ou n'importe où, dans n'importe quelle situation, est-ce qu'il y a un auteur de roman qui à un moment se dit « Attention, si une femme dit non, peut-être qu'elle veut vraiment dire non, il ne faut pas y aller ». Oui, c'est une question qui se pose de plus en plus à mesure qu'on progresse dans le siècle et à mesure qu'on prend conscience avec l'apparition de la psychologie, de la médecine légale, de la dimension psychologique de la question. On trouve le mot consentement qui revient beaucoup, par exemple, chez Zola, mais souvent sur un mode négatif ou sur un mode qui nous interroge dans un sens qu'on n'emploierait plus aujourd'hui. Par exemple, dans le roman de Zola qui s'appelle « Travail », quand l'héroïne Fernande se fait violer, et c'est très clairement un viol, hein, c'est dit comme tel, après avoir joui, on lit « elle fut consentante ». Donc c'est le consentement rétroactif. Ou bien, dans la débâcle encore de Zola, il y a un personnage, Sylvine, qui a été violée et qui dit « pourquoi ai-je consenti alors que je ne voulais pas ?» Donc le terme revient, mais son sens est encore à préciser quand même. Et de toute façon, une femme bien dit non. Elle ne dira jamais oui directement. Nous n'arrêtons pas de le dire, mais ce discours est porté par des hommes. Oui, mais parfois, étonnamment, ces hommes sont des femmes. En ce qui me concerne, ce n'est point la même chose. Tu es resté pour moi indompté, mobile, inquiétant comme quelqu'un qu'on dispute à un adversaire inconnu. Toi, au contraire, depuis le moment où tu me retrouvas, tu m'as contemplé comme un jouet, un être silencieux et calme, dont le regard ne devait jamais s'injecter de filets rouges. J'étais pour toi un marbre adouci, qui du moins aurait dû déjouer sur ton âme l'action du temps. En cela, tu t'es trompé, ce marbre est sanguin et bilieux. Je sens et j'analyse tout à la fois. Sophie-Catherine Gallet qui lit cet extrait d'un roman, Madame du Croisy, un roman de Marc Montifaux, de 1879. Oui, mais non, Marc Montifo n'est pas un homme. Qui est-il? Marc Montifo, effectivement, c'est une femme, c'est une autrice et qui, comme beaucoup de ses contemporaines, va essayer de représenter des sujets de désir féminin et non plus des femmes objets du regard de désir masculin. Elle va essayer de rompre avec ce qu'on pourrait appeler le male gaze, hein, ce regard qui réifie, qui morcelle et créer des personnages qui disent comme René dans Madame du Croisy, je sens et j'analyse tout à la fois, hein, je ne suis plus un jouet, je ne suis plus un objet. Et ça c'est très important puisque ça nous représente une subjectivité féminine désirante qui refuse la répartition genrée d'une femme qui subit, qui est vraiment une matière inerte. Oui, c'est ça. Elle dit « je ne suis pas un marbre adouci » ou « si je suis un marbre, il est sanguin et bilieux ». C'est magnifique d'ailleurs de dire ça et d'avoir cette prise de parole. Sylvie Chaperon, à quel moment le mot « sexologie » apparaît? À quel moment il y a une spécialisation autour du sexe, autour de quel peut être le désir féminin et toutes les dérives? Le mot sexologie, en français, il apparaît dans les années 1910 et il est emprunté à la fois à l'allemand et à l'anglais, qui le connaissaient quelques décennies auparavant. Ceci dit, en France, il n'y aura jamais de spécialisation médicale hein, sur la sexologie. La plupart des médecins, y compris très prestigieux, ou les psychiatres qui publient sur la sexualité, le font sporadiquement, ne se spécialisent pas dans le champ. Contrairement à l'Allemagne, on peut avoir des Albert Moll, des Kraft et Bing qui publient énormément là-dessus. Et toute cette littérature, effectivement, qu'on appelle à la fin du siècle la psychopathologie sexuelle, toute cette littérature est faite par des hommes et exprime un point de vue masculin, hein, y compris sur le regard sur la sexualité. Et c'est pour ça que le désir masculin prend une place énorme. Et il y a d'ailleurs cette idée qu'on ne peut pas réprimer les pulsions masculines. Ça entraînerait des problèmes de santé. La chasteté masculine entraîne des problèmes de santé, ce qui justifie d'ailleurs la prostitution. Et il faut des égouts séminaux, hein, comme dit Parent du Châtelet, pour soulager les hommes et en particulier les jeunes hommes. Tandis que les femmes, elles, n'ont pas ces pulsions. Hein, donc elles sont au contraire beaucoup plus vues comme des mères. Oui. Donc on a un discours effectivement très masculin. Un discours masculin où, et dans ce que vous nous expliquez Sylvie Chaperon, il y a quelque chose de terrible, il n'est pas possible de réprimer les pulsions de l'homme. En revanche, alors là pour les femmes on peut y aller, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion où l'hystérie est prise en compte par les médecins. Oui, non, mais c'est-à-dire que les femmes ne sont pas vues comme des sujets sexuels, elles sont plutôt vues comme des objets sexuels, des objets du désir masculin ou des objets de la reproduction, un corps fécondant. Donc il y a une très grande difficulté à prendre en compte le désir féminin, sauf chez certains sexologues assez féministes, mais même dans ce cas-là, et on a des manuels qui expliquent aux hommes comment donner du plaisir à sa partenaire, à son épouse. Mais même dans ce cas-là, on voit les femmes comme étant passives, c'est-à-dire on enseigne aux hommes comment faire, mais pas du tout aux femmes comment faire. Hein. Donc elles sont l'objet de la sexualité masculine, mais elles-mêmes ne doivent pas être trop actives, y compris donc chez les sexologues les plus progressistes. Dans ce que vous nous dites, Sylvie Chaperon, il y a aussi beaucoup d'histoire sociale, parce qu'il est question de conseils donnés par des médecins, de guides, et éventuellement, cela s'adresse qu'à une partie de la population. Oui, forcément, surtout à la fin du 19e siècle. Au 20e siècle, cette littérature-là va connaître un essor considérable et sera d'ailleurs très bon marché. Hein. On voit qu'il y a des collections qui publient des quinzaines de titres, donc ça se vend bien. Hein. Et c'est d'ailleurs souvent une pornographie pseudo-médicale, hein. C'est-à-dire que sous couvert d'un titre médical et du nom de l'auteur docteur, il y a une sorte de pornographie soft qui est exprimée là, hein, où on met toutes les travers de la sexualité, toutes les perversions sexuelles, mais aussi on décrit les organes génitaux, enfin autant de littérature qui peut être vue comme excitante. Et dans le plaisir que nous recevons en vous écoutant l'une et l'autre, il y a la réflexion sur notre temps présent, sur tous ces éléments du 19e siècle qui sont encore là aujourd'hui. Et puis en histoire, il y a toujours un immense plaisir, c'est d'écouter Michel Perrault. Laver son corps, c'est le laver de plus en plus nu. C'est faire ce que le 19e siècle appelle la toilette intime. Par conséquent, ça a à voir avec le sexe également, avec la sexualité. Et il y a des différences sociales très grandes, par exemple, entre la bourgeoisie et les classes populaires. Et les femmes des classes populaires souffrent beaucoup de ne pas pouvoir accéder à cette intimité du corps qui a à faire avec la sexualité, mais qui a à faire aussi avec la contraception, n'est-ce pas ? Car pouvoir se laver tranquillement après un rapport sexuel, non, pas toujours, pas désiré peut-être, mais pas désiré dans ses suites possibles, à savoir la naissance d'un enfant, eh bien ça, ça fait partie des choses que dans les classes populaires, on va souhaiter de plus en plus, et auxquelles on a du mal à accéder. L'intimité est quelquefois un luxe. Dans les familles populaires de la fin du XIXe siècle, on n'a pas du tout envie d'avoir des enfants à chaque rapport sexuel, du tout. Hein. On a le désir de contrôler les naissances, et au fond, on a un désir d'amour, et d'amour libre. L'historienne Michel Perrault qui s'exprimait sur France Culture dans le cabinet de curiosité, c'était en 1997, autour de l'intime. Sylvie Chaperon, dans le discours de ceux qui s'intéressent à ces pathologie sexuelle, parce que le mot sexologie apparaît, vous nous avez dit, dans les années 1910, mais depuis des décennies, certains pensent. Ils pensent avec une lecture sociale aussi. Il y a l'idée que certaines catégories de la population féminine sont plus portées vers le sexe que d'autres. Cela existe ? Ah oui, le médecin est très souvent un bourgeois, hein, donc il a ses préjugés de genre, mais il a aussi ses préjugés sociaux, et il estime que les classes populaires sont plus portées sur la chose, vivent dans la promiscuité, où les femmes ont moins de pudeur. Donc il y a une vision souvent très péjorative de la sexualité des milieux populaires. Et on observe que quand ils reçoivent, par exemple, ce qu'à l'époque on appelle des pervers ou des dégénérés dans leur cabinet, ils vont être très compréhensifs et relativement indulgents devant l'inverti, c'est l'ancien mot de l'homosexuel, devant l'inverti de classe aisée, aristocrate, qui parle plusieurs langues et dans lequel il reconnaît hein, une culture de classe commune, que devant l'exhibitionniste arrêté dans les rues de Paris, mis au dépôt de la préfecture de police et qu'ils vont vraiment traiter avec beaucoup moins d'égard. Donc il y a toujours hein, dans ce savoir médical une projection à la fois de genre, hein, des préjugés de genre, mais aussi des préjugés sociaux. Pour ne rien dire de la race, parce que là on a aussi une médecine coloniale à l'époque qui voit les populations africaines en particulier comme hypertrophiées sexuellement, hein, avec une sexualité presque débridée et des organes génitaux, pense-t-on, très déformé aussi par cette sexualité trop abondante. Nous avons énormément de clichés à déconstruire, mais qui naissent dans cette période-là. Et c'est avec justesse, Sylvie Chaperon, que vous évoquez ce regard, les Noirs ont un gros sexe. Ça naît là, ça naît. Ça se retrouve dans la littérature aussi, Lucie Nizar, ce fantasme exotique. Oui, oui, oui, oui, on le retrouve. Il y a des romans dits coloniaux, hein, puisque la France a beaucoup de colonies africaines. Il y a par exemple le roman d'un Spahi de Pierre Loti, il y a Chair Noire de Paul Vigné-Docton, il y a tout un espèce de sous-genre exotico-érotique où on a une représentation de femmes africaines extrêmement sexualisées, extrêmement animalisées aussi, qui sont vraiment des purs objets sexuels avec un colon qui est tout puissant et qui est dominant. Et c'est finalement une représentation exacerbée des rapports hommes-femmes en Occident, avec la femme qui est cette autre, avec un A majuscule, incompréhensible et bestialisée. Sylvie Chaperon, à quel moment le désir féminin est pris en compte ? Vous nous avez dit que la sexologie, c'est tardif en fait, ou récent, je ne sais pas comment le dire, c'est dans les années 1910. À quel moment ce désir féminin est vraiment pris en compte ? Alors, on peut trouver chez des médecins du 19e siècle des discours luttant contre la frigidité féminine et affirmant que les femmes ont droit au plaisir comme les hommes. Mais on met plus l'accent sur le plaisir et moins finalement sur le désir. Hein. Et d'ailleurs, c'est quand même une des conditions sine qua non du plaisir, c'est qu'il soit précédé par le désir. Sinon, ça fonctionne quand même moins bien. Mais les médecins ne mettent pas tellement en avant le désir féminin avant le XXe siècle. Et même chez Freud, hein, d'ailleurs, même chez Freud, il y a quand même la vision d'une sexualité moins développée chez les femmes que chez les hommes. Oui, c'est vraiment une lecture qui se doit s'imposer sur le temps long avec des éléments qui restent, qui perdurent. Lucie Nizard, dans votre travail sur les romans, vous allez jusqu'en 1914. C'est intéressant parce que nous venons de dire que la sexologie, ça apparaît dans les années 1910. Il y a une rupture, c'est pas juste une rupture liée à la Première Guerre mondiale. Il y a des changements au début du XXe siècle. Oui, il y a des gros changements au début du XXe siècle, notamment avec le développement de la pratique du flirt avant le mariage. La jeune fille moderne est considérée comme une demi-vierge. Hein. Elle a déjà eu une initiation sexuelle partielle. Et puis cette érotisation du couple conjugal est progressivement une libération d'abord relative des corps féminins qui se voit aussi dans les vêtements, en particulier après la Première Guerre mondiale. Oui, et dans ce après Première Guerre mondiale, nous sentons que malgré tout demeure tout ce qui existait auparavant, parce que dans cette histoire-là, vous avez évoqué des lois, notamment sur le viol à une date précise, mais tout est lent dès qu'il s'agit de mentalité. Et nous sommes vraiment héritiers de cette histoire. Vous retrouvez aujourd'hui dans la société ce que vous étudiez dans ces romans du 19e siècle. Oui, oui, tout à fait. Et puis après la Première Guerre mondiale, il y a à la fois la prise de conscience d'un changement et une angoisse vis-à-vis de ce changement. Donc des auteurs qui vont essayer de freiner des cas de fer. Je pense par exemple au roman de 1922 de Victor Marguerite qui s'appelle La Garçonne, qui représente une jeune fille libérée avec une sexualité prémaritale, qui décide de ne pas concevoir, d'avoir des rapports sexuels non procréatifs, etc. Et puis, à la fin du livre, alors que Victor Marguerite est quand même un auteur progressiste, de gauche, etc., elle se range enfin, elle se marie avec un homme qui lui est supérieur intellectuellement et elle rêve d'un foyer et d'enfants et on est rassuré. Oui, voilà, on est rassuré. Écoutez, vous nous avez... Alors, rassuré, je ne sais pas, mais en tout cas éclairé, et ce qui nous permet de rappeler, c'est une évidence, quand c'est non... C'est non, tout simplement. Merci vivement à toutes les deux. Sylvie Chaperon, et je rappelle, ce dictionnaire des féministes que vous avez publié avec Christine Barr, et puis Les origines de la sexologie. Et merci à vous, Lucie Nizard, votre thèse poétique du roman féminin, du désir féminin dans le roman de mœurs français, dirigé par... Éléonore Reverzy, que je remercie encore. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel, avec le pourquoi du comment. Comment les Romains traitaient-ils les étrangers ? Une fois n'est pas coutume, ma chronique d'aujourd'hui portera sur l'Antiquité. On sait que la conquête de la Gaule par les Romains a laissé des traces profondes dans notre histoire, notamment dans la langue française, qui est l'une des principales langues latines. Ainsi, le mot « hospitalité », qui désigne la bienveillance et la cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes, vient du latin « hospes », qui désigne l'homme de passage. Pour remédier à la précarité de celui qui entrait pour la première fois dans une cité sans en être le citoyen, les Romains avaient créé plusieurs institutions privées et publiques. L'échange de lettres de recommandation était l'une des façons les plus courantes d'identifier les inconnus dans une société encore largement dominée par les relations directes d'interconnaissance. L'entrée dans la ville de Rome était aisé pour ceux qui pouvaient s'appuyer sur une sociabilité privée ou communautaire, comme les corporations religieuses, les tribus, les associations d'artistes, de marchands, etc. Ce qu'on appelait à l'époque le droit des gens établissait une distinction juridique entre les citoyens romains et les pérégrins, ces hommes libres, non citoyens, mais bénéficiant d'une protection. Ce statut spécial disparut en 212 quand l'édit de Caracalla donna à tous les hommes libres de l'Empire la citoyenneté romaine. Même à Rome, le centre névralgique de l'Empire, il n'existait pas de mesures permanentes visant à contrôler l'entrée des individus. Si l'octroi est attesté dès la fin du 1er siècle aux portes de la ville, il s'appliquait surtout au contrôle des marchandises et des prélèvements, mais pas à celui des hommes. Cela ne doit pas occulter le fait que l'Empire romain reposait sur la pratique de l'esclavage. Il s'agissait donc d'une société qui respectait les étrangers dans la mesure où il s'agissait d'hommes libres. Par ailleurs, les autorités romaines exerçaient des contrôles fréquents sur certaines catégories d'individus, n'hésitant pas à les expulser de la ville. Ce fut le cas, notamment, pour les Juifs. César et Auguste leur avaient reconnu un statut officiel leur assurant la liberté de pratiquer leur culte et de vivre selon leurs coutumes. Ils pouvaient se réunir, respecter le repos du sabbat, collecter un impôt cultuel pour le temple de Jérusalem. Mais sous le règne de Tibère, le ton changea brutalement. Craignant que des membres de la haute société romaine se convertissent aux religions orientales, il prit des mesures à l'encontre des cultes égyptiens et juifs. En l'an 19, plusieurs milliers de juifs pérégrins, donc non citoyens, furent expulsés. En dehors des raisons religieuses, l'autre grand motif qui pouvait provoquer des expulsions touchait à la question de l'oisiveté. Au nom de l'utilité publique, les autorités s'en prenaient aux individus qu'ils accusaient de paresse, annonçant ainsi la répression qui s'acharnera contre les mendiants et les vagabonds jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les expulsions et les mesures visant à entraver la circulation des personnes heurtaient néanmoins une éthique de l'hospitalité très répandue à Rome. Cicéron estimait que le fait d'interdire le séjour d'une ville aux étrangers est proprement inhumain. L'hospitalité était en effet constamment réaffirmée comme un indice de civilisation par opposition à l'inhospitalité des barbares. Ben merci beaucoup à vous Gérard Noiriel pour votre hospitalité et votre clarté. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture.